peux essayer de faire un truc là-dessus. Hey, hey, tu m'entends? Hey, qu'est-ce qui s'est passé encore là? Hey, ouais, parce que je vais tester, mais bon, c'est pas au point. Mais j'ai écouté ce que tu faisais là. Je pourrais faire un truc sur les 16 mesures, je fais une descente. Pour moi, sur la gamme que tu faisais là. Là, dans ce que t'écoutes, j'ai regardé, les mecs sont souvent avec la double. Tous les guitares héros, là, toujours le mec avec la double pédale. Attends, on va essayer un truc plus.